Mesdames, Messieurs, mon cher Président, quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à parler de la politique extérieure du cardinal Dubois, vous m'avez infiniment flatté et vous m'avez mis aussi dans une position inconfortable parce que le sujet, à mon avis, a été traité magistralement par Alexandre Dupillet dans son livre récent sur le cardinal Dubois. Et je ne suis pas de ceux, comme disait Montaigne, qui font les ingénieux à reprendre leur devancier. Je me garderai bien de le reprendre, sinon pour reprendre l'historique, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu nous dire très, très exactement de la politique étrangère de Dubois. Je crois que l'aspect proprement historique de la négociation a été ainsi éclusé. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de se mettre, pour ainsi dire, dans la peau ou dans la tête des gens qui ont mené cette négociation, ces négociations, de chercher à savoir comment eux-mêmes voyaient les choses et quels étaient à la fois les objectifs, les moyens dont ils disposaient. Et c'est très important en ce qui nous concerne parce que je ne résisterai pas au plaisir de vous citer quelques lignes d'un petit bouquin que j'ai retrouvé chez moi au fond de la campagne, que je n'avais jamais lu depuis mon enfance et qui n'est autre que le recueil des traités et accords de la France de Rousset, daté de 1728. Alors, 1728, Rousset a écrit c'est là. L'histoire nous offre des siècles entiers où il n'a pas été fait tant de traités et de conventions que nous en avons vu depuis 10 ans. Voilà, c'est donc une riche matière. Et nous sommes, ces 10 ans, c'était donc les années pour quand Rousselet écrit à peu près celles qui nous intéressent. Nous sommes aujourd'hui en 2018, à 300 ans donc de Dubois. Et je me suis dit, nous voyons quels sont les gens qui mènent une politique étrangère. Sauf exception, ce sont des gens d'une cinquantaine ou une soixantaine d'années. C'est encore le cas de nos jours, avec de brillantes exceptions, tout le monde le pensera. Et donc, qu'en était-il à l'époque de la Régence ? J'ai regardé un petit peu les âges de ces messieurs, ce sont des messieurs. Et ce serait d'ailleurs une étude très intéressante de rechercher comment, j'en parlais tout à l'heure au professeur Belli, comment Saint-Simon classait les gens par leur âge, ce que ça signifie quand il dit quelqu'un est jeune encore ou quelqu'un était déjà vieux. Alors, bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, je l'ai effleuré un peu. Et donc, les gens qui étaient actifs à l'époque de la Régence, c'était à peu près le même âge que de nos jours. Vous pouvez voir les dates de gens comme Dubois et Alberoni qui se suivent, si je me rappelais bien, à 6 ans de distance. Voyez Torcy, voyez le régent lui-même, enfin tout ce personnel. Donc, ceux qui ont pensé et exécuté la politique étrangère du cardinal Dubois étaient des gens qui étaient arrivés à l'âge d'homme et qui donc commençaient d'avoir une conscience politique suffisante pour intervenir et pour agir dans les années 80 du XVIIe siècle. Ça fait grosso modo les 30 ans en partant de 1715 1718, et il se trouve qu'en remontant à ces 30 ans, nous trouvons au moins 2 dates qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est 1685, la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. La révocation de l'édit de Nantes, qui, comme on sait, se traduira, entraînera une émigration massive de Huguenots, quelque chose comme 200 000, on a émis bien des chiffres, comme 200 000, où vont-ils ? Ils vont dans des pays déjà protestants, principalement aux Provinces-Unies, en Prusse, mais en Angleterre, bien d'autres encore, s'il y en aura jusqu'en Afrique du Sud, où je les ai retrouvés. Et ce sont autant de foyers, d'agitation, en tout cas de foyers anti-français qui se développent dans ces pays et qui sont donc de nature à influencer la politique extérieure des pays en question. Deuxième date considérable, c'est 1688. 1688, c'est la Révolution d'Angleterre. Jacques II est chassé pour cause de catholicisme agressif et à sa place, on va faire appel à Guillaume III d'Orange. Alors je dis « on » et cela mériterait un certain détail. Je ne vous livrerai pas tout le détail, je l'ignore d'ailleurs. Mais il y a eu des mois de discussion entre les partis politiques anglais, entre les Tories et les Whigs. Tories qui n'ont été au pouvoir que brièvement au temps de la reine Anne, à peu près entre 1710 et 1714. Les Whigs qui ont détenu le pouvoir le plus longtemps. Et grosso modo, les Whigs étaient le parti relativement belliqueux et le plus hostile à la France. Voilà donc encore un facteur qui a influencé la suite, c'est-à-dire que ces gens qui intervenaient, qui agissaient à l'époque dont nous parlons, avaient été formés, instruits à regarder la France avec les yeux des Huguenots et avec les yeux de ceux qui étaient arrivés au pouvoir en 1688, en 1689 exactement, en Angleterre. Je reviens un instant là-dessus. J'ai dit que ça avait été une longue procédure, que Tories et les Whigs avaient mis plusieurs mois à admettre le passage de la dynastie Stuart directe à la branche protestante beaucoup plus lointaine représentée par Guillaume d'Orange, et que finalement c'était une convention spéciale formée de délégués des deux chambres du Parlement qui était allée chercher, qui avait littéralement élu Guillaume d'Orange comme roi d'Angleterre. On voit donc apparaître à ce moment-là le principe électif opposé au droit divin. C'est tout simplement une révolution dans le droit public et dans le droit public européen. Et nous le verrons jusqu'au bout. C'est véritablement un changement extrêmement notable, puisque à partir de ce moment-là, le règne, l'avènement au pouvoir ne sont plus exclusivement fonction de la naissance, mais sont fonction aussi de la volonté populaire, au moins jusqu'à un certain point. Je vais passer maintenant à l'examen, si vous voulez, de ce que des facteurs qui ont plus ou moins orienté la politique étrangère des partenaires de la France pendant ces années. Et je vais, pour le dire tout de suite, je vais laisser de côté un certain nombre des puissances, des pays concernés, quelques-uns qui, dirais-je, ne sont pas des pays secondaires, mais dont il se trouve qu'ils ont été moins directement engagés dans la définition, dans ce qu'on a appelé en un temps le grand jeu, n'est-ce pas, de la politique étrangère des années 1715. Je ne parlerai pas du Portugal, qui s'est mis d'un côté définitivement en 1703, ni de la Pologne, parce que c'est un monde à soi tout seul, et qu'entrer dans les querelles, enfin, on discerne déjà à ce moment-là les prodromes des futurs partages de la Pologne. Et il y a une très grande puissance dont je ne parlerai pas non plus, parce que moins directement intéressée dans les questions territoriales, c'est tout simplement le pape. Je ne voudrais pas méconnaître son importance, mais en réalité, au fond, le pape ne s'intéresse guère, en l'occurrence, qu'à la menace turque en Méditerranée et à la redouter pour ses propres États. Et son rôle international, on l'a déjà bien vu beaucoup aujourd'hui, c'est principalement d'être l'homme qui, en dernière analyse, élève à la dignité de cardinal, c'est-à-dire le seul qui puisse créer des princes en dehors de la naissance. Voilà donc ce cadre, si vous voulez, politique étrangère, où je voudrais essayer de chercher donc qu'est-ce que veulent tous ces gens-là. Alors je vais parler d'abord d'essayer de classer ces puissances par ordre d'engagement, encore une fois, dans ce grand jeu diplomatique dans lequel la France va être appelée à jouer son rôle. Je commencerai par des puissances relativement secondaires, enfin, secondaire n'est pas le mot, puis je terminerai avec les quatre grands. Alors, les autres puissances, il y en a, j'en vois trois, qui sont sur le déclin: l'Empire ottoman, la Suède et les Provinces-Unies. Bon, sur l'Empire ottoman, tout le monde se souvient de 1683, le siège de Vienne. L'Empire ottoman, si on regarde la carte, continue quand même d'occuper une place éminente en Europe, et il apparaît aussi comme le partenaire de deux autres puissances. Je veux dire, d'un côté, c'est pour ainsi dire un terrain de chasse ou un futur terrain de chasse pour l'Empire, et de l'autre côté, pour l'Empire, pour la Moscovie, comme on dit à l'époque, puisque la Moscovie commence déjà à regarder vers les détroits. Il faut noter qu'à un certain moment, le grand seigneur, comme on disait, envoie un ambassadeur saluer l'avènement du jeune Louis XV, au moment de la majorité du roi. Alors cet ambassadeur a été un grand chiaouk, comme on disait. Bon, a été reçu avec faste, il est resté plusieurs mois, tout ça s'est bien passé, mais il ne semble pas que l'Empire ottoman ait cherché à ce moment-là, bien qu'il fût notre allié traditionnel, il ne semble pas que cette mission ait eu pour but de renouveler l'alliance ou de chercher un contrepoids via l'Empire ottoman. Bon, deuxième point, c'est la Suède. Alors, pendant tout le début du XVIIe siècle, la Suède domine littéralement toute l'Europe du centre et de l'Est. Et là aussi, je laisserai un peu de côté ce domaine à lui seul considérable de la guerre du Nord et de la paix du Nord, où la France a joué un rôle important de médiation par l'ambassadeur Canredon et où Dubois d'ailleurs est intervenu personnellement. Toujours est-il que la Suède, c'est la Suède de Charles XII. Charles XII a échoué, enfin a été battu par Pierre le Grand en 1709, donc à Poltava. Il a repris courage, si je puis dire, et finalement il a été tué en 1719, tué au combat. Et on peut dire qu'à ce moment-là, la Suède, je vais encore vous citer cette fois Saint-Simon, cela a été les paix de Nystad et les traités de Stockholm. Cette paix a si tristement mis la Suède dans l'état stable où elle est demeurée depuis. État stable et comble de disgrâce, la monarchie héréditaire est devenue une monarchie élective. Bien, troisième point, dans ce que j'appelle les puissances un peu en déclin, ça a l'air assez paradoxal d'y ranger les Provinces-Unies, parce que les Provinces-Unies sont quand même une puissance économique, financière, marchande, considérable, mais c'est le moment même aussi où, à force de commercer, les Provinces-Unies, qui se sont engagées tout à fait à reculons à une époque dans la Triple Alliance, parce qu'ayant fait copieusement l'expérience de la guerre, les marchands et les banquiers d'Amsterdam répugnaient extrêmement à s'engager à nouveau sur le plan extérieur. Donc, on peut dire véritablement qu'à partir de ce moment, c'est à partir à peu près de ce moment-là que sur le plan politique, la République des Provinces-Unies a été, pour reprendre la métaphore bien connue, une chaloupe à la remorque du vaisseau anglais. En revanche, trois puissances prennent interviennent plus activement, je dirais la Savoie, la Prusse et la Russie. Le duché de Savoie, à l'époque sous le règne de Victor Amédée, dont on dit toujours qu'il n'a jamais sorti, il n'a jamais terminé une guerre dans le même camp où il l'avait commencé, et qui a réussi à se faire une solide réputation de mauvaise foi, etc., etc. Enfin, j'abrège. Il n'en a pas moins admirablement, ou peut-être à cause de cela, admirablement su tirer son épingle du jeu, puisque il est devenu, on lui a attribué la Sicile avec le titre royal, et il réussira à la conserver encore au traité d'Utrecht. C'est le gardien, d'ailleurs ça fait partie aussi de la politique française, ça fait partie de cette sorte de cordon sanitaire de puissance le long de la frontière française. Deuxièmement, la Prusse, c'est-à-dire l'électeur de Brandebourg, qui obtient le titre royal dans le cadre de l'Empire en 1701 et qui se le fera confirmer à Utrecht. La Prusse n'est pas encore, évidemment, ce que nous l'avons devenu. Le roi est dans une situation assez exceptionnelle parce qu'il est le gendre du roi d'Angleterre et néanmoins ils se haïssent et surtout encore plus que le duc de Savoie, ce roi de Prusse s'est fait une réputation d'être léger, fantasque, n'inspirant confiance à personne, mais il n'empêche que là aussi il vise un but et il l'obtiendra, c'est d'être présent sur l'embouchure de l'Elbe en Poméranie à Stettin. Troisième puissance ascendante, la Moscovie. La Moscovie devient la Russie sous Pierre le Grand. Et je citerai encore la Saint-Simon. Il veut rendre ses États florissants par le commerce et s'étendre par la conquête et par les traités, faire grande figure en Europe et en Asie. À ma connaissance, c'est peut-être le seul ou au maximum un des trois cas où l'Asie apparaît dans tous les mémoires de Saint-Simon. Mais vrai. Et bien, la Moscovie, là, j'essaierai d'abréger aussi, il est certain que Pierre le Grand, là non plus, je passe un petit peu rapidement sur la guerre du Nord et la paix du Nord, mais Pierre le Grand gagne du terrain à travers l'Allemagne, et si étonnant que cela puisse paraître, enfin, il faut regarder les cartes et ce qu'elles sont à l'époque, c'est pour ainsi dire en passant par l'Allemagne qu'il regarde déjà vers les Détroits. Et en même temps, et surtout, n'est-ce pas, il fait déjà pièce à la Turquie, et nous savons que ça nous concerne directement, puisque Pierre le Grand, qui connaît très bien l'Europe occidentale, qui est venu en privé en France vers les années 97-98, Pierre le Grand, en 1717, a l'idée de chercher, pour ainsi dire, l'alliance de la France, et que de ce temps, au fond, il invente déjà ce que du côté français, on cherchera à inventer dans les belles années 1890, l'alliance de revers, l'essentiel étant d'enjamber, si j'ose dire, l'Empire. Il faut noter, et là encore, il vaut bien mieux que je résume en citant plutôt que de bavarder moi-même. Je cite donc, en mars, vous savez, il s'adresse d'abord à la France dès le mois de mars 1717, avant son voyage, il montre une passion extrême de s'unir avec la France. Il cherche à figurer dans les affaires d'Europe, mais l'Angleterre nous rendit sourds à ses invitations. C'est un côté sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Si bien que le grand voyage et le grand dessein de Pierre Ier se résumeront à un traité d'amitié le 24 août 1717. Nous parlions tout à l'heure à un moment de la magnifique exposition qui a été consacrée à Pierre le Grand à Versailles. Je crois bien qu'on y voit un exemplaire de ce traité. En tout cas, nous arrivons là donc à un point où nous avons vu ces six pays qui sont quand même ceux qui interviennent dans la politique extérieure. Vont traverser ou ont traversé bien des difficultés, des dissensions, des crises politiques intérieures, mais ils ont tous un trait commun, c'est de montrer vers l'extérieur une sorte de front uni dans leur effort à tous pour préserver leur précaré, leur indépendance et, si possible, l'agrandir. Et pour cela, selon les circonstances, ils en viennent à rechercher l'amitié ou la protection des véritables grandes puissances. J'en viens donc à parler de ces... Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, certainement. De 10 minutes. Ah bon, merci. Bien, il y a ce que c'est Frédéric Guillaume, je crois que c'était le roi de Prusse, il n'était pas encore à l'époque, appelait ces quatre puissances les quadrillards de l'Europe. Enfin, il fut un temps, nous avons connu les quatre grands. Je dirais que ces quatre grands, il y a là deux puissances insatisfaites, qui sont l'Empire et l'Espagne, et deux puissances relativement satisfaites, qui sont l'Angleterre et la France. Je dirais que l'Empire ou l'Empereur est est toujours une puissance considérable. L'empire de Charles VI, qui a une trentaine d'années, c'est une exception. Les souverains font exception à la règle d'âge que j'ai indiquée au début. Ils ont à peu près la moitié de l'âge des autres, grosso modo. L'empire de Charles VI, c'est toujours l'empire du traité de Westphalie, peut-on dire une confédération, un conglomérat sui generis, où l'on se dispute beaucoup. Et cet empereur monte sur le trône, il succède à son frère, déjà Joseph Ier, en 1711. L'empire lui apporte pas mal de problèmes, puisque il y a, et on l'a déjà effleuré, l'intervention de Pierre le Grand, qui cherche de bons prétextes, je passerai sur l'affaire du duché de Mecklembourg, et qui cherche de bons prétextes pour intervenir à l'intérieur de l'Empire. Il y a la guerre du Nord, il y a aussi ses propres problèmes, qui est le problème de sa succession, puisqu'il n'a pas d'héritier mâle, et c'est en 1718 qu'il va promulguer la pragmatique sanction par laquelle, en gros, il destine l'Empire à ses filles, de préférence aux filles de son frère aîné, Joseph Ier. Alors, la question, évidemment, de faire reconnaître la pragmatique sanction par l'Europe sera un axe majeur de la politique de l'empereur Charles VI. Mais, en réalité, par rapport à ce que je viens de dire, la grande question, c'est le volet méditerranéen, c'est-à-dire que dans le grand partage de la guerre de succession d'Espagne, au fond, l'empereur a hérité du volet continental qui va des Pays-Bas espagnols au duché de Milan à Naples, à des droits éventuels sur la Toscane et sur Parme. Il est donc obligé, il a été obligé d'abandonner la succession d'Espagne proprement dite. Et c'est quelque chose que, dans son fort intérieur, Charles VI n'oubliera jamais, parce qu'il se souvient forcément d'avoir été Charles III, c'est-à-dire pendant quelques années de la guerre de succession, d'avoir été roi d'Espagne sous ce titre. Donc c'est un des grands axes, un des grands problèmes que l'on aura à affronter. Et c'est pourquoi je dis qu'en ce sens, l'Empire et l'Empereur sont une puissance insatisfaite. Une autre, l'Espagne. L'Espagne est apparemment un grand vainqueur, puisque la succession d'Espagne s'est traduite par la confirmation et la consolidation du duc d'Anjou, Philippe V. Et c'est en réalité un pays fragile. Il a été dévasté, ruiné par la guerre financièrement. En réalité, apparemment, il me semble, les structures économiques de l'Espagne restent solides. Et c'est si vrai que peu d'années après, elle connaîtra une période de prospérité. Et politiquement, comme dira Alberoni, je le cite, « il n'est point de pays où la soumission soit plus entière qu'en Espagne. » Bien. Mais l'essentiel de l'Espagne, ce n'est pas le continent, c'est de régner sur les Indes occidentales. Et ces Indes sont l'Eldorado vers lequel tournent leurs regards tout ce qui est commercial, tout ce qui est marchandise, tout ce qui est banque en Europe. Et alors c'est cela. Qui fait la position de l'Espagne, et c'est ce qui va l'encourager sous l'égide, sous la conduite d'Alberoni, à mener une politique étrangère tous azimuts et extrêmement ambitieuse. Il faut là dire un mot d'Alberoni, ce envoyé de la cour de Parme auprès de la cour d'Espagne et qui trouvera le moyen d'y devenir Premier ministre. Alberoni s'empare, c'est le parallèle avec Dubois est frappant, n'est-ce pas ? On l'a déjà souligné. Et l'un et l'autre sont sans extraction, comme aurait dit notre cher duc, et arrivent à une dignité suprême qui les place, on l'a vu à propos du Conseil de Régence, n'est-ce pas, au-delà, au-dessus même des ducs et pairs. Alberoni, comment peut-on dire, enfin, est-il exalté, est-il un peu poussé par une ambition désordonnée, va entraîner l'Espagne sur une pente extrêmement dangereuse, parce que, il l'a dit lui-même à un moment ou à un autre, il a deux idées forces. L'une, c'est qu'il est là de l'influence française en Espagne. Évidemment, il faut se rappeler, là, tous ces gens-là, encore une fois, ont leur propre expérience vitale derrière la tête. Il vit, si j'ose dire, en pensant à la princesse des Ursins. Alors évidemment, il trouve insupportable de voir les ambassadeurs de France se mêler des affaires d'Espagne. Et l'arrivée d'envoyés spéciaux de tout rang et de tout ordre. Et je me mettrais bien à sa place, n'est-ce pas ? C'est intolérable. On voit ça dans d'autres cas. Et bien, enfin, malheureusement, ça lui inspirera à lui aussi de grands excès. Et il dit quelque part qu'il veut chasser les Français d'Espagne et, par ailleurs, qu'il ne devrait pas rester en Italie un pouce de terrain à l'empereur. Alors, tout cela se voit, n'est-ce pas ? Les données du grand conflit sont claires. Charles VI n'a aucune envie d'abandonner ce qui lui est échu du territoire italien. Alberoni ira jusqu'au recours à la force pour entamer ce domaine italien. Il envoie une flotte en Sicile, en Sardaigne d'abord, en 1717, je pense, littéralement conquérir la Sardaigne par la force navale, puis manœuvrera jusqu'à envoyer son escadre devant la Sicile. Et c'est à ce moment-là que l'Angleterre s'impatiente. On aboutit à la destruction de l'escadre espagnole par l'escadre anglaise de l'amiral Byng. Et le processus est entamé, qui conduira finalement à ce paradoxe extraordinaire de voir la France faire la guerre au sang de ses rois. Nous en sommes à cette guerre de 1719. C'est au fond maintenant que je vais parler en guise de conclusion de la politique française. La politique de la France est un peu l'inverse, je dirais-je, de celle de l'Angleterre, parce que, en réalité, elle est plus forte en réalité qu'elle ne paraît. Et je crois que, à la différence de l'Angleterre et de ce qui a été beaucoup dit, la position de la France et le gouvernement du régent sont extrêmement solides. Il a eu à affronter, comme on le sait, de nombreuses crises, quelques-unes très graves, les conspirations normalement fomentées par Alberoni, mais son gouvernement en réalité a su exercer son autorité Et il a transmis, quand, au moment de la, après la, la, la mort de Dubois, au fond, c'est une autorité royale sans réserve qu'il a pu transmettre au jeune Louis XV. Je crois que là, là, n'est-ce pas, nous arrivons au règne de Dubois, et j'ai beaucoup parlé d'Angleterre, la question majeure étant de savoir s'il y a eu réellement, ou pourquoi et comment, il y a eu une collusion, ce que d'autres ont appelé la collusion des usurpateurs entre le roi Georges Ier et le régent. Je crois que c'est une fausse symétrie. C'est une fausse symétrie parce que la situation du roi Georges Ier avait devant lui le prétendant, comme on disait, le parti jacobite. Aujourd'hui, pour nous qui connaissons la fin de l'histoire, nous croyons que c'était une illusion. À l'époque, Jacques III, comme on disait à Versailles, avait encore des partisans assez important en Angleterre et surtout en Europe, et surtout en Écosse, veux-je dire, et en Europe, il pouvait compter sur la sympathie, le soutien de la France, du régent au départ, de l'Angleterre, et certainement que beaucoup de ces puissances jouait sur le jacobisme pour ébranler l'Angleterre. En revanche, il me semble, je viens de le dire, que l'autorité du régent était juridiquement indiscutable. C'est pour ça que je disais que la symétrie était en réalité une fausse symétrie, et que c'était l'Angleterre qui avait donc toutes les raisons de chercher le concours de la France, ce qu'elle a commencé à faire. Il y a eu des démarches de Stair, le fameux ambassadeur d'Angleterre en France, qui a commencé, dès avant la mort de Louis XIV, à approcher l'entourage du futur régent pour laisser entendre que l'alliance des deux pays serait toute naturelle. Et cette offre a été saisie par Dubois, et on voit que à toutes les étapes, et je prendrai littéralement pour modèle l'excellent ouvrage définitif d'Alexandre Dupillet, avec qui je ne suis pas d'accord sur les conclusions, mais dans cet ouvrage même, on voit comment, à toutes les étapes, dans la négociation, c'est plutôt les Anglais qui prennent l'initiative et qui sont demandeurs. Alors, cette perche a été saisie par Dubois, d'abord comme officieux du temps où, comme a dit Saint-Simon, enfin, c'était Ducel avait toutes les affaires étrangères, et en réalité, il me semble que ce rôle n'était pas une simple écorce, contrairement à ce qu'a dit Saint-Simon. Ducel a cherché au moins à garder en apparence un mot, et si possible un dernier mot, sur la conduite de la politique étrangère. Toujours est-il qu'à partir du moment en 1718 où Dubois est devenu secrétaire d'État, là il a eu la haute main. Et pourquoi en a-t-il été ainsi? Je reste très réservé à ce sujet. Il y a eu, je ne crois pas beaucoup à la pension des 40 000 écus d'or, encore parce que on dit qu'il n'y a pas de traces. Mais il est certain que des opérations de ce genre ne laissent généralement pas de traces dans les documents comptables. Et en revanche, il est certain qu'à un moment, j'ai trouvé de bons textes, que Georges Ier avait cherché à acheter Alberoni, qui ne s'est pas laissé faire. Maintenant, peut-être voulait-il faire monter les enchères, ça faisait aussi partie du jeu. Je crois beaucoup plus à la filière qui a été plus ou moins esquissée, que le principal intérêt de Dubois était de chercher la pourpre en comptant sur l'intervention du roi d'Angleterre auprès de l'empereur, l'empereur étant supposé, lui, avoir l'oreille du pape. Ça me paraît beaucoup plus vraisemblable. Enfin, toujours est-il, et ce sera ma conclusion, que voilà la politique qui a été suivie, et encore dont je ne dirai pas grand-chose, puisqu'elle a été magistralement traitée dans la biographie de Dubois. Je dirais seulement en guise de conclusion que je pense qu'une autre politique était possible. En fait, le véritable axe directeur de la politique anglaise, qui l'est resté, c'était d'empêcher la formation d'une puissance sur le continent. Et il suffit de regarder la carte. Imaginons ce que c'était que la véritable grande puissance qui s'étendrait de Dunkerque à Cadix si les deux monarchies bourboniennes avaient pu aller du même pas. Et c'est pour cela que l'autre objectif, l'autre axe de la politique anglaise était de tout faire pour brouiller, comme l'a dit Saint-Simon, les deux branches de la maison de Bourbon. Et le Stanhope y est apparemment très bien arrivé. Il me semble que on peut évidemment faire pas mal de réflexions là-dessus. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est d'observer à quel point les questions de personnes ont joué un rôle. Il y a une phrase d'Alberoni, je souhaite de cite de mémoire pour faire court, où il dit que les questions de personnes ont tenu une part plus importante dans la définition, dans la fixation des États et des gouvernements que les questions politiques. Alors, les questions de personnes étaient vraiment extrêmement importantes. Vous voyez ce qu'étaient toutes les personnalités dont nous avons parlé, qui suivaient et plutôt orientaient directement la politique, et c'est ce que je voulais souligner, pour beaucoup, évidemment, en fonction de leur équation personnelle. Et il faut noter également que les contacts personnels ont joué un rôle plus étonnant, plus qu'on ne pourrait le penser. On voit que Dubois a fait lui-même de longs séjours en Angleterre et qu'à un moment, quand tout le monde se faisait concurrence pour chercher à attirer l'Espagne de Philippe VI dans la quadruple alliance, Stanhope est lui-même allé s'installer à Madrid pour essayer de ramener l'Espagne dans le bon giron de la politique anglaise, ce qui ne s'est pas fait. Mais je crois encore une fois, et ça reste ouvert à tout le débat, qu'il aurait été possible de mener une politique plus efficace et plus avantageuse pour la France en poursuivant l'union des deux branches de la maison de Bourbon. Merci.